Les nuits de France Culture. C'est sur le désir mimétique et la violence qu'il engendre entre les hommes que René Girard aura fondé les théories anthropologiques qu'il a défendues à partir du début des années 70. En 1978, dans le 7e des entretiens proposés par Roland Hoguet dans Les chemins de la connaissance, autour de son ouvrage « Des choses cachées depuis la fondation du monde », René Girard revenait sur la littérature, les romans et les auteurs à travers lesquels s'était imposée à lui l'idée du désir mimétique qu'il avait abordé dans « Mensonges romantiques et vérités romanesques » paru en 1961. Une idée à partir de laquelle il avait par la suite étendu ses recherches et ses analyses aux mythes fondateurs, aux rites sacrificiels et aux phénomènes de persécution et de meurtre du bouc émissaire. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, 7e des 9 entretiens, les romanciers du désir mimétique, diffusé le 27 décembre 1978 sur France Culture. René Girard, votre premier livre s'intitule « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». C'est un titre un peu surprenant. C'est une vieille histoire, puisque ce livre a paru en 1961. Et le titre est lié à l'opposition que je fais entre les œuvres qui reflète ce que j'appelle le désir mimétique. Mais dans ce livre, je parle pour la première fois, n'est-ce pas, du caractère mimétique des rapports humains. Donc, opposition entre les œuvres qui reflètent ce désir mimétique et ne le révèlent pas, par conséquent restent gouvernées par lui, et les œuvres qui, révélant ce désir, serait par rapport à lui beaucoup plus indépendante. Il est bien évident que mon choix se porte vers les secondes et je m'intéresse plus particulièrement aux secondes. Dans ce livre, j'essaie d'étudier les grands romanciers qui me paraissent être des romanciers du désir mimétique. Partant d'abord de Cervantes et passant de là, étudiant principalement Stendhal, Flaubert, Dostoïevski et Proust. Cette liste ne prétend pas du tout que ces romanciers-là sont les seuls romanciers du désir mimétique, qui révèlent ce désir. Donc, il m'intéresse particulièrement, pas seulement en tant qu'écrivain, pas seulement, si vous voulez, sous le rapport de la forme, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le signifiant, mais sous le rapport du signifié, c'est-à-dire du contenu des œuvres, du savoir qu'il nous présente, d'un savoir qui me paraît très important et qui ne se ramène pas à cette vieille psychologie littéraire, si vous voulez, dont on parlait naguère pour beaucoup d'écrivains. Oui, dont on ne voulait plus, mais qu'on a remplacé par des choses qui peut-être ne vont pas très loin, c'est-à-dire... C'est ça, oui. Un système... Ou alors par la psychanalyse, dont je ne dirais pas qu'elle ne va pas loin, bien sûr, mais qui me semble, sous bien des rapports, inférieure à ce que j'appellerais la théorie mimétique qui se dégage de ses œuvres. Le mot romantique lui-même, alors, se rapporte, si vous voulez, à l'individualisme romantique qui caractérise, évidemment, qui... non seulement à mes yeux, une période limitée de l'histoire littéraire, mais qui me paraît caractéristique d'un certain état d'esprit engendré par le mimétique. J'appelle romantique essentiellement l'individu qui se veut original. Don Quichotte se veut puissamment original, et pour ce faire, il copie fidèlement des modèles, ces modèles d'originalité que sont à ses yeux les chevaliers errants. Il y a donc, si vous voulez, une contradiction fondamentale révélée par Cervantes dans ce qu'on peut appeler l'individualisme occidental. L'individualisme occidental, c'est la recherche de l'originalité par les autres, en copiant un modèle d'originalité. Ce qui est amusant, je pense, c'est que la critique littéraire, surtout depuis le romantisme, depuis le XIXe siècle, a pris très au sérieux, non pas la révélation que Cervantes nous donne du désir mimétique et du personnage de Cervantes, de Don Quichotte, mais les prétentions de Don Quichotte lui-même. Le XIXe siècle, en particulier le XIXe siècle espagnol, et le XXe, des gens comme Unamuno, ont pris parti littéralement pour Don Quichotte contre son créateur. Et l'ont défendu comme, si vous voulez, le représentant d'un idéal très élevé, n'est-ce pas, face aux foules grégaires, etc., dans une opposition qui me paraît très superficielle avec le personnage de Sancho, par exemple, opposition idéalisme-réalisme, ou avec les autres personnages du roman, qui évidemment souvent sont fort grossiers, et non pas la culture de Don Quichotte, mais qui sont très affectés par le rêve et la folie de Don Quichotte, et bien souvent entrent dans son jeu, en particulier ceux qui veulent le guérir. Je n'ai pas l'impression que dans cette œuvre, les oppositions faciles, manichéennes qu'on a cherchées, n'est-ce pas, pour opposer en Don Quichotte, si vous voulez, l'individu seul contre la société, et cette société, où j'ai l'impression, si vous voulez, que retrouver dans ce roman, n'est-ce pas, cette figure de nos espoirs, de nos rêves, de nos révoltes, révèle bien souvent le caractère superficiel et peu critique de cet idéal dans le monde actuel. Par exemple, on pourrait penser à toutes sortes d'adaptations de ce roman, l'adaptation en comédie musicale qu'en a fait Broadway, n'est-ce pas, qui me paraissent bassement romantiques, enfin trahir absolument les intentions de Cervantes, qui sont d'une subtilité, d'une ironie, d'un humour. Je crois que j'insiste un peu sur Cervantes ici, parce que je pense qu'il a presque tout découvert de la littérature occidentale, de ce que j'appellerais la littérature antilittéraire. La plus grande littérature, c'est la littérature antilittéraire. Et je crois que pour comprendre vraiment Don Quichotte, il faut voir que Cervantes traite la littérature de son temps un peu à la façon dont nous traitons la télévision ou les médias en général, n'est-ce pas ? Que nous opposons à la littérature, en voyant dans la littérature la haute culture, etc. Cervantes d'ailleurs refuse cette opposition. Et je pense que les romanciers du désir mimétique voient très bien que ce n'est pas le moyen matériel lui-même. Je crois qu'ils sont à la fois très proches et très loin de quelqu'un comme McLuhan. Vous voyez ce que je veux dire ? McLuhan insiste énormément sur, au fond, le fait que notre société est totalement transformée par la facilité et la puissance des moyens de diffusion du rêve, de l'imaginaire, etc. Cervantes parle de l'imprimerie et il voit effectivement un moyen de diffusion, mais qu'il attribue ceci à quelque chose de beaucoup plus fondamental chez l'homme et qui est présent en dehors de tout moyen industriel de diffusion, qui est le désir mimétique, n'est-ce pas ? Et ça me paraît tout à fait fondamental. J'aimerais qu'on précise un tout petit peu la différence. En somme, bon, McLuhan attribue à des moyens, à des trucs, une importance décisive dans la civilisation. Oui, oui, oui. Il en fait des espèces de victimes émissaires, je dirais, des choses émissaires, n'est-ce pas ? Je crois qu'il exagère beaucoup leur rôle. Je pense que notre société est plus don quichotesque ou bovarique, n'est-ce pas, pour parler d'une autre œuvre du désir mimétique, ou snob, pour parler le langage de Marcel Proust, que beaucoup de sociétés antérieures, dans la mesure où les moyens de diffusion coïncident avec la démocratisation, c'est-à-dire que certains phénomènes qui restent très aristocratiques à l'époque de Cervantes, ou très bourgeois au XIXe siècle, aujourd'hui sont devenus des phénomènes de masse populaire, affectent la planète entière d'une certaine façon. et affecte non seulement le domaine des goûts esthétiques, etc., mais de la politique, tous les domaines d'activité, ou de la consommation même, qui est liée à la mode, au snobisme. Oui, alors ce que Cervantes révèle, en quelque sorte, c'est que tout marche par modèle. C'est que, à mon avis, tout marche par modèle, n'est-ce pas ? Et que le désir, ce qu'il y a de plus caractéristique dans le désir de l'homme, c'est qu'il tend à ne pas savoir quel objet choisir par lui-même et à se fier à l'autre, n'est-ce pas ? Et toutes les œuvres que j'étudie, certaines œuvres de Dostoïevski, d'ailleurs d'un comique extraordinaire comme L'Éternel mari, dans le premier chapitre de mon livre, je mets en parallèle une histoire, une de ces histoires intercalaires de Don Quichotte qui s'appelle Le curieux impertinent, qui est l'histoire d'un homme qui veut forcer son ami à séduire sa femme. L'ami en question, d'ailleurs, est celui qui lui a désigné cette épouse. Et alors, il est évident qu'il y a une rivalité extrême entre les deux hommes. Et l'histoire, à mon avis, est très très proche d'une histoire célèbre, mais malgré tout mal connue, de Dostoïevski, qui s'appelle L'Éternel mari. Dans L'Éternel mari, nous voyons un homme attiré à Saint-Pétersbourg par les amants de sa femme, qui est morte d'ailleurs. L'épouse est morte entre-temps, et je crois que c'est quelque chose de très important. L'objet n'est plus là. Il n'existe plus que la fascination des rivaux. Et lorsque le mari trompé veut épouser une autre femme, irrésistiblement, il fait appel à son rival. Il met son rival en présence de sa fiancée, à mon avis, pour valoriser celle-ci. Il ne peut plus désirer que par l'intermédiaire de son rival. Une femme dont la valeur ne serait pas entérinée par ce rival, qui représente pour lui l'incarnation suprême du Don Juan, puisqu'il est lui-même la victime de la première victime de ses charmes, n'est-ce pas ? Une femme qui ne serait pas valorisée, donc, par le rival, n'aurait pas de valeur à ses yeux. Ou bien l'amant triomphe de son rival, auquel cas le rival perd sa valeur, ou l'objet perd sa valeur. Ou bien la possibilité, évidemment, c'est que l'amant disparaisse avec la femme, n'est-ce pas ? Mais la situation que ce type d'individu est forcé de prolonger ou de reconstituer si elle s'est détruite, et celle de la rivalité à trois, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne peut désirer une femme qu'en présence et sous la domination de ce rival. Alors évidemment, la psychanalyse ici parle d'homosexualité latente, mais elle tend à ne pas voir la réalité de la rivalité. Il faut bien une hétérosexualité pour qu'il y ait cette rivalité intense qui donne son prix à la chose, n'est-ce pas ? À passer trop vite à l'homosexualité latente ou à l'homosexualité, on dévalorise la rivalité et on ne voit plus du tout le jeu de l'humiliation et de l'orgueil chez les deux personnages qui fait la force extraordinaire de gens comme Cervantes et Dostoïevski dans cette affaire. Ce qui me frappe quand même, c'est que vous êtes très pessimiste. Dans le fond, vous nous dites que nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Je pense qu'il y a un culte du désir dans notre univers qui est extrêmement dangereux et qui généralement est lié. Le culte du désir parfait, du désir autonome, etc., généralement cache ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de tout culte du désir. Vous voyez ? Il y a des institutions sociales, il y a des appétits et des besoins qui parviennent à se satisfaire. Si vous voulez, en dehors de même la sexualité, en dehors du genre de frénésie dont nous parlons, je pense, si vous voulez, qu'il y a, dans ce que je dis, ou plutôt dans ce que disent, à mon avis, des gens comme Cervantes, Dostoïevski et Proust, évidemment, une opposition radicale avec certaines formes d'individualisme et avec ce culte du désir qui est devenu le dogme fondamental de l'Occident depuis le XIXe siècle, qui était déjà là au moment du romantisme, qui reparaît avec le symbolisme, qui reparaît avec le surréalisme sous une autre forme, et qu'on trouve aujourd'hui dans le culte de la différence. Vous voyez, chacun cherche à différer de l'autre, généralement par des moyens qui se révèlent des moyens d'imitation et de copie dans notre univers aussi. Oui, mais tout le monde se ressemble. Tout le monde finit par se ressembler. Le mécanisme de la mode n'est rien d'autre, n'est-ce pas ? Où chacun cherchant à différer de la même manière de l'autre, tout le monde suit la même mode, jusqu'au moment où tout le monde s'apercevant du phénomène, tout le monde change de mode en même temps, n'est-ce pas ? Et le processus continue. J'ai l'impression que ces processus, aujourd'hui, malgré tout, sont en train de s'user, n'est-ce pas ? et que les œuvres dont je parle, qui sont certainement les œuvres de gens qui ont même souffert de ce désir, dans le cas de Dostoïevski et de Proust, ça me paraît particulièrement évident. Dans le cas de Proust, depuis Mensonge romantique, j'ai essayé de montrer, en particulier dans mon dernier travail, que les premières œuvres de Proust se situent à un niveau très différent de La recherche du temps perdu. Vous savez, La recherche du temps perdu se termine par Le temps retrouvé, qui en fait est le premier volume de l'œuvre, n'est-ce pas ? Amène le narrateur au moment où il commence à écrire son roman. Et si on regarde ce qui s'est passé dans la vie de Proust, et si on compare ce qu'il dit à ses premières œuvres, on s'aperçoit que ses premières œuvres sont littéralement les œuvres d'un snob, où il parle dans ses premières œuvres contre le snobisme, à la façon dont seul un snob peut parler contre le snobisme, avec le ressentiment extraordinaire à l'égard des autres snobs, qui ne peut caractériser qu'un snob, n'est-ce pas ? Dans La recherche du temps perdu, à mon avis, les choses ont beaucoup changé, et il y a une sérénité, une profondeur du regard qui fait défaut dans les premières œuvres, et qui me paraît correspondre à une expérience réelle, qui serait celle du temps retrouvé. Et j'ai été très frappé, évidemment, à l'époque, et je le suis toujours, par le fait que même si elle n'a pas de caractère religieux, cette révélation du désir, si vous voulez, cette compréhension de l'inanité de certaines formes de différence, n'est-ce pas ? Ou avant, nous disions de moi, mais c'était la même chose. C'est toujours un peu l'expérience de la mort à soi-même et au monde, n'est-ce pas ? Et l'arrivée dans un autre univers. Et chez des gens, des romanciers qui ne sont pas du tout religieux, comme Stendhal, comme Flaubert, comme Proust, on trouve un symbolisme religieux de la conversion, généralement toujours situé à la fin des grandes œuvres cruciales, n'est-ce pas ? Et qui, chez Dostoïevski, bien sûr, a un sens ouvertement religieux. On a beaucoup reproché à mon livre ce dernier chapitre où on a vu une forme de propagande religieuse, alors que s'y m'intéressait, c'est de montrer qu'au fond, c'est un système structurel, vous voyez, c'est-à-dire un système de regard sur le monde qui s'effondre, et que la destruction de ce système passe toujours par le même chemin, si vous voulez, qu'elle est toujours vécue comme une espèce de mort, n'est-ce pas, et que le symbolisme de la mort et de la résurrection est toujours là. C'était Les romanciers du désir mimétique, le 7e des 9 volets de la série de Chemin de la connaissance que Roland Auguet consacrait au livre de René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion le 27 décembre 1978 sur France Culture. À suivre.